Chapitre 32e. Zigomar quand même, toujours Zigomar. Peu après le départ des deux frères, et comme Lucette Minois, presque subitement cédant à la fatigue, aux suites sans doute des émotions de cette journée d'angoisse, tombait dans un profond sommeil, le comte de la Guérinière commençait à s'assoupir. Tout à coup un homme sortit mystérieusement d'une draperie qui cachait une porte secrète. Cet homme, silencieusement, avec des précautions infinies, pénétra dans la chambre à coucher. Il écouta attentivement, s'assura que Lucette Minois dormait, et il s'approcha du blessé. Alors il prit le bras du comte de la Guérinière et le secoua assez fortement. « Réveillez-vous, allons, réveillez-vous » dit-il. Lentement, péniblement, le comte ouvrit les yeux. Il fut un moment à recouvrer ses esprits. « C'est vous, docteur Robert ? » murmura-t-il. Mais il ne reconnut pas le docteur, et voyant un homme, le visage encadré d'une barbe blonde, qu'il ne connaissait pas, il eut un mouvement de surprise. L'anxiété, comme il arrive toujours, le réveilla d'un coup complètement et acheva de lui rendre la possession de soi-même. « Qui êtes-vous ? » s'écria-t-il. « Que voulez-vous ? » L'homme lui fit signe de se taire. « Plus bas, doucement, plus bas. » « Le baron Dupont, le comte de la Guérinière, vous ordonne de ne rien dire, de ne rien révéler de vos conventions à qui que ce soit. Veillez sur vos paroles. Et si les magistrats viennent, ne sortez pas du rôle que vous avez accepté. Sans cela, ces magistrats sauront ce qu'est vraiment le comte de la Guérinière. Ils sauront qui a volé le collier de Lucette Minois, qui triche au jeu, qui vit d'expédient, comment et pourquoi le comte de la Guérinière s'est vendu. » Le blessé eut dans les yeux un éclair de haine. « Trop tard, » dit-il. L'homme sursauta. « Tu as parlé ? » cria-t-il. Le blessé se redressa. « Oui, j'ai parlé. Ah, tu peux dire à ceux qui t'envoient que je serai bien vengé. J'ai parlé. Ce n'est pas vrai. Non, tu n'as pas parlé. J'ai parlé, » riposta le blessé. « Oui, j'ai parlé. Vous avez voulu m'assassiner, bandit, mais ma mort ne profitera pas à Zigomar. J'ai tout dit. Impossible. Tu n'as pas eu la force de le faire. Le docteur Robert me l'a donné, et tu vois bien, j'étais assez fort pour tout lui révéler. Tu as dit au docteur Robert ? À Robert, à Raoul, tous deux étaient là, ils savent tout, et Paulin Broquet ne tardera pas. » Il n'acheva pas. L'homme, poussant un juron de rage, se précipita sur lui. « Misérable ! Nous ne serons nous aussi bien vengés. Tu auras parlé pour rien. » Alors le bandit furieux arracha les bandages de la poitrine pour aller plus vite. Il les coupa avec un couteau, et appuyant ses mains sur la gorge, sur le côté du blessé, il força la plaie à saigner. Impitoyablement, il regardait le sang couler, la vie de cet homme, avec son sang, s'en aller par cette blessure. Tout à coup, il fut, lui, le bandit, le bourreau implacable, arraché du lit, enlevé et projeté violemment dans le fond de la pièce où il trébucha. Mais il se ressaisit promptement, il se remit d'un bond sur pied, s'arma d'un revolver, et il essaya de gagner une des issues. L'homme, qui venait de le surprendre, sauta sur lui, et malgré deux ou trois coups de revolver dont il n'eut pas l'air de se soucier, le rejoignit et chercha à s'emparer de lui. Les deux hommes paraissaient très robustes et doués d'une force à peu près égale, d'une même science de la lutte. Ce fut un combat d'une violence extrême qui eut lieu dans cette chambre. Se roulant, s'entraînant avec des rugissements de fauves qui s'entre-déchirent, les deux hommes tombèrent à terre et poursuivirent effroyablement cette lutte, ce duel, qui devait être sans merci. La phase décisive, finale, du combat au bout de quelques minutes arriva. Il y eut un cri d'atroce douleur. Puis une voix appela « À moi ! À moi !» C'était la voix de Paulin Broquet. À cet appel que les deux frères avaient entendu, Robert et Raoul accoururent dans la chambre du blessé. Quand Robert eut, sur la demande de Paulin Broquet, donné de la lumière, Robert et Raoul n'aperçurent d'abord que le comte de la Guérinière qui, tiré de son lit, gisait à terre dans une mare de sang, ne donnant plus signe de vie. Le bandage savamment et soigneusement appliqué par Robert autour de la blessure avait été violemment arraché, coupé. La plaie, mise à nu, saignait de nouveau. Sur la chaise longue, inerte, ils virent Lucette Minois, ne bougeant pas, morte peut-être aussi. Mais Paulin Broquet, qui avait appelé, n'apparaissait pas. Robert et Raoul le cherchaient en vain des yeux. « Par ici !» dit alors la voix haletante du détective. « Par ici, mes amis !» Robert, instinctivement, s'était approché de son malade. Raoul se précipita à l'appel de Paulin Broquet. En même temps que lui accourut Simon, que suivit bientôt Gabriel. À terre, derrière le lit, et c'est pour cela qu'on ne l'aperçut pas tout d'abord, se trouvait Paulin Broquet. Mais Paulin Broquet n'était pas seul. Il tenait étroitement enlacé, maîtrisé par une terrible clé de jiu-jitsu, un homme à barbe blonde, à cheveux roux, qui, épuisé, vaincu, faisait encore de vains efforts pour se dégager, et poussait des hurlements de douleur impuissante et de rage inutile. Gabriel et Simon s'emparèrent de cet homme, lui maintinrent solidement les mains derrière le dos et le mirent debout, pendant que Paulin Broquet se levait de terre également. Alors, Paulin Broquet, dont Raoul ne voyait que le dos, se tourna du côté de l'avocat. Raoul s'écria « Monsieur Mathieu !»« La betterave, oui !» dit Paulin Broquet, « la betterave !» Il arracha sa perruque, sa barbe postiche, et il apparut avec sa figure habituelle, rayonnant de joie maintenant. « Mais, s'écria-t-il, assez joué la comédie, nous tenons, Zigomar. Zigomar est fini. » Un grand éclat de rire suivit ces paroles. C'était le prisonnier qui riait et qui répliqua au détective. « On ne tient pas, Zigomar. Zigomar ne finira jamais. » Gabriel et Simon, sur un signe de leur chef qui ne releva pas le défi du bandit, portèrent le captif sur une chaise et l'y maintinrent fortement. Zigomar semblait en mauvais état. « J'ai serré un peu fort, peut-être, » dit Paulin Broquet. « Mais je n'ai pas à le regretter. Avec un gaillard de cette trempe, il faut de la poigne. » À ce moment, Robert tourna la tête vers le prisonnier et aussitôt il poussa un cri « Monsieur de la Soule !» Mais Paulin Broquet revint à ce monsieur de la Soule que tenaient toujours et solidement Gabriel et Simon. Il lui arracha vivement le gilet, lui déchira la chemise, mit à nu son torse puissant. « Voyez, » dit-il, « voyez ceci. » Sur la poitrine du captif, alors il montra une large tache brune et il ajouta « Depuis longtemps, je cherchais le moyen de reconnaître celui des deux comtes de la Guérinière que nous rencontrions comme adversaires quand nous avions affaire à Zigomar. Car dès la première heure, j'avais compris qu'il existait deux la Guérinière. Mais je voulais en établir formellement la preuve. Chaque fois que j'ai blessé Zigomar dans nos rencontres, ça n'a pas été suffisant. J'ai dû faire mieux. Donc, le jour où ce misérable voulait, en duel, tuer le capitaine de Rennemois, moi, jouant le rôle du domestique, j'ai mis dans la poche de son vêtement une ampoule pleine de corrosifs, qui lui a fait cette marque indélébile. Je n'avais désormais plus qu'à trouver le moyen de me rencontrer avec le comte de la Guérinière. Alors j'ai imaginé le personnage de M. Mathieu, la betterave, amoureux de Lucette Minois. Le vrai duel eut lieu alors entre Paulin Broquet et Zigomar. Je jouais mon suprême atout, car cet homme est d'une force merveilleuse à l'épée. Il devait cette fois se montrer implacable. Mais ce n'est pas lui qui fut mon adversaire. Il envoyait le vrai comte de la Guérinière. Moi, je l'avoue, trompé par la ressemblance et désireux de mettre à nu la poitrine de mon adversaire pour y voir ma marque. J'ai passé mon épée au travers du corps de ce malheureux. Sa poitrine était sans marque. Ce n'était pas mon homme. La poitrine marquée la voici. Cet homme fut M. de la Soule, le comte de la Guérinière et d'autres encore. Mais c'est surtout Zigomar. Zigomar ? S'écria-t-on, Zigomar ? Paulin Broquet prit un flacon d'alcool sur la table parmi les fioles qui servaient au pansement du blessé. Avec le contenu du flacon, il frotta les joues du captif et il en décolla, en fit tomber la barbe blonde. La figure de Zigomar apparut. Elle offrait avec celle du vrai comte de la Guérinière une curieuse analogie, sauf maintenant la couleur blond-roux de la moustache teinte, qui autrefois était noire. On pouvait à première vue la confondre avec celle du malheureux blessé. Tout s'expliquait. Le baron Dupont, en jetant son dévolu sur le comte de la Guérinière, savait ce qu'il faisait et connaissait la valeur de son choix. Cependant Robert, qui s'était de nouveau penché sur le blessé et l'examinait, se releva. « Ce malheureux a expié. Justice est faite. Il est mort. »« Tué par ce misérable, » fit Paulin Broquet, « ce sera son dernier crime. Je suis arrivé trop tard pour sauver celui que j'ai blessé, croyant avoir affaire à l'autre, à celui-ci. » Zigomar, craignant que ce malheureux ne s'avisât de faire des révélations, a voulu l'en empêcher en achevant l'œuvre de mon coup d'épée. Il a détruit ce que la science du docteur Robert produisait. Il est parvenu à clore à jamais cette bouche, mais trop tard aussi, car elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. « Vous avez entendu ?» s'écrièrent les deux frères. « J'étais là pendant la confession de ce malheureux. Je me suis éloigné un moment pour organiser la souricière. » pour prendre Zigomar dont je savais la présence dans la maison. Le misérable en a profité pour commettre ce lâche assassinat. Avec l'aide du docteur, Paulin Broquet releva le corps du comte de la Guérinière et le déposa sur le lit. Pieusement, il le recouvrit du drap. « Quant à Lucette, dit-il, ne craignez rien, elle dort. » Ce bandit, qui avait besoin de ce sommeil pour accomplir son effroyable crime, a eu soin de faire boire du champagne préparé à Lucette, dans sa loge. Elle dort, laissons-la. On remet alors à celui qu'on avait appelé le comte de la Guérinière ou monsieur de la Soule. Le bandit semblait en vérité fortement endommagé. « À boire » demanda-t-il. « À boire !» Robert, qui avait pitié de tout être souffrant, lui donna, dans le même verre de la victime, un peu d'eau mélangée de cordial préparée pour celui qui venait de mourir. Zygomar, sans répugnance, but avidement. Cela lui fit grand bien. Il releva alors la tête, regarda longuement ceux qui l'entouraient, et de nouveau il éclata de rire. D'un rire large, sonore, un rire de défi, d'insulte, de rage. C'était bien là le bandit, comme l'attendaient Robert et Raoul. Comme il pensait qu'aurait dû être ce malheureux comte de la Guérinière quand il le prenait encore pour le terrible Zygomar. D'une voix rude, canaille, Zygomar s'écria. « Lâchez-moi, allons, je suis fait. Vous êtes nombreux. La maison est pleine de rousses. Je ne peux pas m'échapper. C'est pas la peine de me casser les bras comme ça. » Et s'adressant à Paulin Broquet, il ajouta « Je t'ai manqué, Paulin Broquet. Ta revanche est belle. Tu me tiens bien. Dis qu'on me lâche les bras. Tu dois savoir que tu m'as à moitié brisé les membres de notre lutte et à demi cassé une patte avec ton revolver infaillible sur le quai de la Loire. Tu sais que je ne pourrais pas m'enfuir. » Paulin Broquet ne dit rien. « D'ailleurs, reprit Zygomar, c'est bien inutile de me tenir. Tout à l'heure, tu vas être obligé de me laisser partir. » Le détective alors fit un signe à ses hommes. « Emportez-le. » « Pas avant, dit Zygomar, pas avant que j'aie parlé à Robert et à Raoul. Emportez-le, ordonna vivement Paulin Broquet. Allons, emportez-le. » Gabriel et Simon soulevèrent Zygomar et se dirigèrent vers la porte. « Je veux leur parler de papa, cria le bandit. Raoul intervint à ces mots. « Arrêtez, arrêtez !» Et se tournant vers Paulin Broquet, « Mon ami, il faut que cet homme parle. »« Non, non, répliqua le détective. « Inutile. Que peut-il vous dire? Quelques mensonges ?»« La vérité !» cria Zygomar. « La vérité !»« Écoutons-le. Permettez !» insista Raoul. « Soit, dit Paulin Broquet après un court moment de pénible hésitation. « Soit. Alors apprêtez vos cœurs à ressentir une douleur épouvantable. » On remit Zygomar sur la chaise qu'il occupait jusque-là. Il se tourna vers les deux frères. Vous avez cherché à savoir ce que contenait le document mis sous les yeux du banquier Montreuil par maître Béjanet et cet excellent maître Grillard. Je vais vous le dire. Récapitulons. Vous vous êtes jeté dans les mains des aides. On aurait pu vous supprimer facilement. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi on ne l'a pas fait. Si, mais vous n'avez pas deviné. Je vais vous l'apprendre. Vous avez été surpris aussi de voir le banquier, après avoir désigné comme son assassin le comte de la Guérinière, revenir également sur sa dénonciation et le déclarer innocent. C'est pour la même raison. Sachez donc que si on vous a laissé vivre, c'est parce que vous êtes mes frères. » Raoul et Robert bondirent. « Vous mentez, vous mentez !»« Mes frères, et si le banquier Montreuil m'a déclaré innocent, c'est que je suis son fils. C'est faux, c'est faux !» Zygomar se mit à rire. « C'est la preuve de cela que maître Béjanet et maître Grillard, ce digne huissier, ont mis sous les yeux de leur ami Montreuil. » Vous êtes un imposteur. Demandez donc à votre ami Paulin Broquet, si ce n'est pas là, ce que lui a raconté ma mère, cette bonne Madame Verdier de Ménilmontant, à qui le banquier Montreuil, pendant tant d'années, envoyait de l'argent, comme le prouve le dossier mystérieux qui vous a si fortement intrigué. Raoul dit au détective, c'est hommant, n'est-ce pas? Tout cela est une invention, une nouvelle machination de sa part. Zygomar ricana plus fort. Paulin Broquet répondit simplement aux deux frères. « Je vous ai dit de préparer vos cœurs à une grande douleur. » Robert et Raoul s'écrièrent. « Alors cet homme est réellement notre frère ?»« Le fils à votre papa, » dit Zygomar. « Oui, parfaitement, votre frère. »« C'est épouvantable, c'est épouvantable !» Mais Zygomar, profitant du moment où Gabriel et Simon émus relâchaient leur étreinte, se dégagea peu à peu et se dressa. Il parvint à faire quelques pas péniblement, lentement, en blessé. « Oui, je suis votre frère, reprit-il, votre frère aîné. Inutile de le prouver plus amplement, vous avez d'ailleurs au fond de vous-même la conviction que c'est vrai. » Puis il ajouta après un lourd silence. « Maintenant voyons, mes chers frères. Examinons bien la situation, elle en vaut la peine. Dites-moi si vous tenez à ce que je passe devant les tribunaux. Vous êtes assez soucieux de votre honneur pour rendre l'argent que le banquier Montreuil, digne père de Zigomar, a si bien gagné. Allez-vous me laisser conduire sur le banc d'infamie et permettre à mon avocat de raconter toutes ces petites histoires au juge ?» Raoul et Robert étaient accablés. Ils éclatèrent en sanglots. C'est trop de honte, trop d'infamie. Paulin Broquet vint à eux, leur pria affectueusement la main. « Mes amis, soyez forts, du courage !» Zigomar était venu ainsi jusqu'à eux, et marchant toujours avec une peine très grande, avec beaucoup de difficultés, il tourna derrière les fauteuils dans lesquels Robert et Raoul étaient tombés. « Oui, Raoul, oui, Robert, parlez. Allez-vous me laisser passer devant les assises ? Ça ne tient qu'à vous. Allez-vous envoyer votre frère à la guillotine ?» Les deux frères sanglotaient et ne purent répondre. Alors, brusquement, Zigomar se retourna. Derrière lui était une fenêtre donnant comme celle du salon sur le petit jardin. Il l'ouvrit d'un coup. « Paulin Broquet, dit-il, tu ne tiens pas encore, Zigomar. Zigomar ne finit pas. » Il fit un bond, sauta dans le vide et s'enfonça dans la nuit. Mais Paulin Broquet se précipita lui aussi à la croisée. Il avait son revolver à la main. Comme Zigomar, en courant, arrivait à la grille du jardin, à la porte ouverte sur la rue, Paulin Broquet fit feu. Zigomar s'arrêta net, poussant un cri de douleur. Il chancela, proférant un blasphème. Il tomba sur la pelouse, la face dans le gazon, les bras en croix. Paulin Broquet s'écria. « Allons, tu vois bien, Zigomar, qu'on n'échappe pas à la justice. » Et à son tour, il sauta dans le jardin, mais il tomba sur un homme qui se tenait sous cette croisée. Paulin Broquet roula à terre, se releva, entama une lutte avec cet homme. À la lueur venant de la croisée, il le reconnut. C'était le baron Dupont. Le décoratif baron était armé d'un poignard. Comme il allait en frapper le détective, il reçut sur le crâne un coup de massue qui le fit s'écrouler à terre comme une masse. « C'est moi, chef, dit l'amorce. Arrivez à temps. C'est ma spécialité d'assommer le baron. »« À Zigomar, dit Paulin Broquet. Ils se précipitèrent, mais ils s'accrochèrent à un buisson de rosiers et perdirent quelques secondes à se dégager. Quand ils reprirent leur course, arrivant sur la pelouse où Zigomar était tombé, celui-ci n'était plus là. Paulin Broquet bondit jusqu'à la grille. La porte de fer était fermée, mais devant le trottoir, une automobile de course stationnait, ronflant puissamment, paraissant prête à bondir. Au volant se tenait un homme. « Tom Twick !» cria Paulin Broquet. Il éleva son revolver, mais il ne put tirer. Entre Tom Twick et lui se plaça tout à coup un homme jeune qui, dans ses bras, portait le corps de Zigomar. Cet homme jeta ce corps inerte dans la voiture et sauta après. Dans un mouvement qu'il fit pour se placer, à la clarté des phares, Paulin Broquet et l'amorce virent sous la casquette de chauffeur briller une lueur fauve. « Elle ?» cria Paulin Broquet. « Elle, la femme rousse ?» Et il abaissa son arme. Il ne pouvait, pour atteindre son adversaire, Tom Twick, risquer de blesser cette femme qu'il avait arrachée lui à la mort épouvantable chez Zulma. Il ne devait pas frapper cette femme, cette merveilleusement belle, cette étrange inconnue, cette mystérieuse femme rousse. La voiture bondit, emportant le corps de Zigomar, et il sembla à Paulin Broquet, à l'amorce, malgré les canonnades du moteur, entendre Tom Twick lancer le cri de ralliement de Zigomar, « Zalavi, Zalamor !»